Ah, quelle cruauté! Qui tout en un jour tue le père par le fer, la fille par la vue. Ôte-moi cet objet, je ne le puis souffrir. Tu veux que je t'écoute, et tu me fais mourir. Je fais ce que tu veux, mais sans quitter l'envie de finir par tes mains ma déplorable vie. Car enfin, n'attends pas de mon affection un lâche repentir d'une bonne action. L'irréparable effet d'une chaleur trop prompte déshonorait mon père et me couvrait de honte. Tu sais comme un soufflet touche un homme de cœur. J'avais part à l'affront, j'en ai cherché l'auteur. Je l'ai vu, j'ai vengé mon honneur et mon père. Je le ferais encore si j'avais à le faire. Ce n'est pas qu'en effet, quand mon père et moi, ma flamme assez longtemps n'est combattue pour toi. Juge de son pouvoir. Dans une telle offense, j'ai pu délibérer si j'en prendrais vengeance. Réduit à te déplaire ou souffrir un affront, j'ai pensé qu'à son tour, mon bras était trop prompt. Je me suis accusé de trop de violence, et ta beauté sans doute emportait la balance. À moins que d'opposer à tes plus forts appas, qu'un homme sans honneur ne te méritait pas. Que malgré cette part que j'avais en ton âme, qui m'aima, généreux, me haïrait, infâme. Qu'écouter ton amour, obéir à sa voix, c'était m'en rendre indigne et diffamer ton choix. Je te le dis encore, et quoique j'en soupire, jusqu'au dernier soupir, je veux bien le redire. Je t'ai fait une offense, et j'ai dû m'y porter pour effacer ma honte et pour te mériter. Mais, quitte envers l'honneur et quitte envers mon père, c'est maintenant, à toi, que je viens satisfaire. C'est pour t'offrir mon sang qu'en ce lieu tu me vois. J'ai fait ce que j'ai dû, je fais ce que je dois. Je sais qu'un père mort t'arme contre mon crime. Je ne t'ai pas voulu dérober ta victime. Immole avec courage au sang qu'il a perdu, celui qui met sa gloire à l'avoir répandue.